Et maintenant, mesdames et messieurs, une surprise. Oh, cher Olivier Métra, mais dites-la, dites-la vite. Oh, ce n'est presque rien. C'est ma dernière valse qui vous sera chantée tout à l'heure pour la première fois par une divette qui ce soir, grâce à vous, sera célèbre. Qui est une jeune Espagne, Mademoiselle Conchita Cibulero, qui m'a été amenée par un personnage bien singulier, mais qui a fait là une trouvaille. Monsieur le baron du parquet. Oh, cher ami. Mais je ne vous savais pas baron. Au bal, toujours. Et notre étoile? La Conchita Cibulero. Mais elle arrive en fiacre avec sa mère. Eh bien, la mère? Récente, mais parfaite. Je vous laisse. Vous permettez? Un mot. Hein? Est-ce que mon jeune ami, le comte Antonin de Mourmelon, que j'ai invité de votre part, est arrivé? Non, je ne l'ai pas vu. Non, je ne l'ai pas vu. Tiens, Antonin, la bonne surprise. Ça va bien depuis hier soir? À merveille. J'ai rompu avec Zénobie. Cette fois, c'est définitif. Elle en est trop fort. Non, c'est vrai? Jure-le-moi. Je le jure. Je suis libre et heureux. Oui, je suis le plus heureux des hommes. C'est drôle, je croyais que ça faisait beaucoup plus de plaisir que ça d'être heureux. Le bonheur, au fond, c'est peut-être triste. Ah ça, qu'est-ce que j'ai?